Yeah. C'est comme ça que vit le hip-hop. Y'a pas de fiction, seule l'addiction reste sur les villes qui subissent. Et yo Des, tu le sens? Ouais. En route pour le flow. Fini le temps des crises, il faut que les actions se précisent. Cela dans une certaine maîtrise, il faut qu'on se le dise. Fini le temps des pleurs, mais laisse parler ton cœur qui ne fait que se remplir de peur et déborde de sueur. Dans une société qui nous a toujours oubliés, et nous les soi-disant délinquants que beaucoup voudraient effacer. Et ceci depuis nos racines, le breakdance. Mais pour ces gens-là, il faut les comprendre. Pour eux, il n'existe qu'une époque, mais qu'une méthode. Et leur jeunesse était la meilleure, leur vie irréprochable. Pourtant quand ils se penchent sur la nôtre, ils sont toujours à dire genre. Votre musique appelle la violence, vos soirées ont besoin d'un tas d'ambulances. Ils n'ont pas tort, mais là je pense qu'ils poussent le bouchon un peu fort. Et quand tu les entends parler du hip-hop, cette musique de sauvage, dommage pour vous, j'en suis un. Il suffit juste d'entretenir un peu la flamme pour que puissent danser ces messieurs et dames sur le hip-hop toujours au top. Si tu ne comprends pas, mais viens que je t'explique comment vit le hip-hop. C'est comme ça que vit le hip-hop. C'est comme ça coule le hip-hop. Sur les fils qui subissent, yo, et qui ne peuvent plus arrêter le film. En route pour le flow, file le hip-hop. C'est comme ça coule le hip-hop. Sur les fils qui subissent, yo, et qui ne peuvent plus arrêter le film. En route pour le flow. Mes journées sont construites de rimes, elles ont toute une importance. Tout est construit dans ma tête, même s'il le faut je le répète. Même si cela te paraît bête, beaucoup se laissent déshabiller par l'ignorance. Je croyais qu'avec un peu d'esprit ouvert dans certains déserts, et pourrait ramener un peu de couleur. Au contraire, ce n'est que de forêts remplies d'arbres où tout le monde se cherche, personne se trouve. D'autres se laissent emporter par la violence, oublie que survivre est une importance. Je me dépense, non pas pour la gloire ni pour le pouvoir, juste pour voir si la musique m'accepte. C'est comme une recette, il faut la travailler jour et nuit, nuit et jour pour que le résultat soit positif. Ici tu n'es pas dans la cour du hit parade, mais juste du rap. Si tu ne comprends pas, mais viens que je t'explique. C'est comme ça que vit le hip-hop. C'est comme ça coule le hip-hop. Sur les fils qui subissent, yo, et qui ne peuvent plus arrêter le film. En route pour le flow, file le hip-hop. C'est comme ça coule le hip-hop. Sur les fils qui subissent, yo, et qui ne peuvent plus arrêter le film. En route pour le flow. Je reste là, bouche bée, à contempler ma jeunesse. Notre jeunesse, dont la poésie reste encore à écrire. Lire, j'ai appris, j'ai écouté, j'ai compris pas mal de choses. Le respect, j'ai connu. Mes questions se posent, être ou ne pas être. L'être que l'on promène avec une laisse, comme si ton cerveau était conçu d'un tas de ferrailles. Donc rien dedans, et toi tu dors. Et lui il fait de l'argent, regarde là-haut. La musique t'appelle, elle au moins ne fait pas de barrière, mais elle reste belle. Ouais, passons, elle me murmura à l'oreille, viens me voir. Et moi au moins je t'abandonnerai pas, écoute, prends cette flamme. Elle te conduira où tu le désires, que ce soit au fin fond de l'Afrique, à l'autre bout des États-Unis. Oui, pour une création beaucoup plus fluide. Oui, et t'inspirera, pourquoi pas. Pour une musique qui ne fait que grandir comme moi. Je bois le hip-hop, je bouffe le hip-hop, je m'habille en hip-hop. Demande à Miguel Hip-Hop, l'homme qui rime avec pop. Pourquoi je bloque quand je n'ai pas ma dose de hip-hop? Si tu ne comprends pas, mais viens que je t'explique. Mais comment vit le hip-hop? C'est comme ça que vit le hip-hop. C'est comme ça coule le hip-hop. Sur les fils qui subissent, yo, et qui ne peuvent plus arrêter le film. En route pour le flow, vit le hip-hop. C'est comme ça coule le hip-hop. Sur les fils qui subissent, yo, et qui ne peuvent plus arrêter le film. En route pour le flow, file le hip-hop. C'est comme ça coule le hip-hop. Sur les fils qui subissent, yo, et qui ne peuvent plus arrêter le film. En route pour le flow, file le hip-hop. C'est comme ça coule le hip-hop. Sur les fils qui subissent, yo, et qui ne peuvent plus arrêter le film. En route pour le flow, file le hip-hop. Feel the hip hop. Feel the hip hop. Feel the hip hop.